Mais non. Non, mais... Oh, attendez. Oh, vous pouvez pas, hein? Quoi? C'est pas possible. Ils sont sérieux? Eh, hey, n'importe quoi! Eh, hey, remboursez! Je veux parler au manager! Oui? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Plaît-il? What? Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Non mais vous avez vu ce qui vient de se passer? J'arrive pas à process. Ils l'ont. Non, non, non, attendez, c'est pas... Qu'est-ce qu'on vient de voir, là? Ils l'ont emmené où? De quoi? Et on va juste rester là... C'est dingue! C'est dingue! C'est dingue!